Selon les médias sud-coréens, la 19e action plan nationale a été livrée le 4 mars sur toute l'étendue de la Corée du Sud pour la destitution et le retrait immédiat de Park Geun-hye sous le patronage de l'Action nationale d'urgence pour la démission du pouvoir de Park Geun-hye en présence de plus d'un million et 50 000 habitants. À Séoul, plus de 950 000 personnes, y compris les membres des formations civiles, les citadins, les députés des partis de l'opposition, les élèves des écoles primaires, les mères avec voitures d'enfants et les personnes âgées, ont tenu un rassemblement à la bougie sur la place Gwanghwamun. Au terme du meeting, les participants ont livré la manifestation vers la Maison Bleue, le tribunal constitutionnel et la résidence officielle du Premier ministre. La lutte à la bougie a eu lieu aussi à Chuncheon et à Gangnung de la province du Gangwon de Corée du Sud, à Chungju de la province du Chungcheong du Nord et à Jinju de la province du Gyeongsang du Sud. Les médias ont annoncé en détail. À la 19e édition de l'Action Plan National, les participants au meeting à la bougie ont chiffré à plus de 15 millions au total. Une semaine avant le dernier jour de la décision de la destitution, la lutte contre Park Geun-hye est à l'apogée sur toute l'étendue du pays.